بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسابقين المؤمنين من أزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله عن قطب العارفين والصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين، ومنها علم العطي علم ومنها علم التسخير، وأنه كما أمر الله عز وجل عبده فعصاه كذلك دعاه عبده في هذه الدار فلم يجبه فيها. ci xam xam nitu yalla yi batay arifo nabi radiyallahu anhu muy len di limu neew mina bok na ci xam xam ya ilmu tasxir xam xam tag tagatal mettre à disposition wa anno til wer bor moy kama kem ni nga xamne amaraw amara non lay digele allah bur yalla azza tedd na not na ci nguram wo jalla te magay magna teranga notel ak ma gay gu upp xelu mindefi ni muy digle mom yalla abdahu ab jamam fa afahu jamam gu moy ko kadhalika niki nono daahu nono lako wowe abdahu ab jamam fi hadhihi ddar ci bile keur muy keuruk aduna gi fa lam yu jibuti duko wuyu duko nangul fi ha ci bi keur gi manam li aju ci xam xam bobu moy lu aju ci tagatal deja lolu ben la mais aussi que ni yalla yalla ni mi digele jamam dara ci aduna jambi moy ko nonu tamit lay digel lako jambi ñaané ci aduna batay yalla bañ yalla duko nangul wa ni biiri amé ni la niiri amé lan motax lolu am ak yi aju ci yoy xam xam la yunitu yalla yi am radiyallahu anhu manam arifuna ila ci nam wa mina bok na ci xam xam yoy ilmu xam xam al atiyat ak mayi joxe mayi wa na li wer bo wor moy tamit jami'a ma mbolam li nga xamne waqaratna min al khalqi ci minde fi atiyatun koku ak may rek la ilahiyatun gi ko jog bur yalla lawum ñeleen hatta mbete al kaba'ira bakari mam yi gën ya mag min adunubi ci bakari wa hadha ta lol huwa lol deug ghayatul karam moy day teranga wa huwa li ilmun kham kham la sharifun bo xamne bu tedd la satara sutural nako allah bur yalla taala aj kawedi an ghalibi wulif li upp ti al awliya wali fadlan waxuma la an ulama wali borom kham kham ci dess wa huwa gis nga li min ilmi bok na ci kham kham al hikmati manam xereñ sagesse alati bi nga xamne man outiyaha kep ko yalla jox faqat deug deug kep kuñ ko jox faqat deug deug outiya jox nañ ko khayran giw kasiran bu bari moy xam xam yi aju ci may le fait que les don té ci xam xam bobu dañ cey kuko maîtriser daf cey xamé ni lepp luy rot di tukke ci minde fi lepp luy ñew ci minde fi rek ak mayu yalla la lepp lu joge ci minde fi ak luñu mëni def muy lu bax mu ne ba ci bakkar yu mag yi sax yalla leen ko may parce que xam nga tay té lolu manam boko xolé nañ xol nuñ ko mëna déggé nu ndaw rek moy le fait que nit mëna def bakkar té yalla mom ko sañ ko mën ko duma mën ko def lu ne me téréwul yalla bayiko ci jammam mu def bakkar bi lool rek ak mayuk yalla la parce que bu ko ne xam mu def bakkar legu bëgg ko legu bëgg wala wala bok da ko dul may sax possibilité bu mu ko def bu xamé ni ki dafa nara def bakkar té loxo bi la ko nara defé loxo bi ligi lay dam bu ko defé du mëna def bakkar ba xam et cetera topal ci ri bañ ja mais le simple fait que yalla may ko mettre ko en disposition lepp may ko mu mën ko def lolu ci jëm mom ak jëmmi mayu yalla la amna benen moy le fait que nit ki di def bakkar ba pare wolbeuti ko suba mu defat ko lolu tamit jëmmi may yalla la té lolu ni ngui koy xamé moy tay masala da ngay gis nit ku def bakkar mais bokku na ci yërmënde yalla yu maggi moy yalla daf koy faté lo sax bakkar bi parce que bu fekkon té na bakkar bi waji dafa continuer diko xalat affaire bi xamna ko continuer muy mu koy travailler psychologiquement tout le temps même nit ki dootul amati jamm mais musa wa lol dalay dal nga def ben bakkar bi di dugg sa bop nga xala diko xala diko xala diko xala bu mu traumatiser voilà legui surat imaginer nak am nga ki mu traumatiser koku mi ngi reccu te lol moy tek la ni wajoju day tup lolou xewal la koku may la mais le fait que aussi nit ki bakkar bi yalla fatte loko ko aussi koku benen may la parce que au moins dindil lako traumatisme ba pare dimbal mi ngi koy may muy dundou ko normal manam kon ce qui veut dire que lepp dal ak terang ak may la te lol nak moy dayok te nga wa huwa ghayatul karam mune li nak xam xam bu tedd la mune bo xamantene yalla daf ko sutural da ko neub ñu bari sax ci walu yi waxuma la borom xoxum yidul walu am na xam waaw secret bi nek ci xam xam ni waaw te mune li nak bok na ci xam xam bi nga xamne mom la yalla nan yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran kathira yalla moy jox sagesse hikma kuko sop bobu xam xamu moy xam xamu nitu yalla yi xam xam bu tukki ci alquran la ci sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais xam xamu xam yalla la manam ma'rifa deug lool nak kuko yalla jox xamal ni yalla jox nak kuñ ko jox xamal ni jox nañ ko yiw bu ri mu xam xam xam bi waaw bok na ci xam xam yoyu non xam xam yi mu ngi len limi am na ñu xamne ni je pense que dafa len defar par spécial waaw mais xam na ñu pense que c'est des tu as di wax incontournable wa mina bok na ci xam xam ilmul ghayrati xam xamuk firangé wa fir wa nekku fir wa ak firangé ndax xam nga firangé manam moy tax ñom buñ koy wax nitu yalla nak liñ ci djublu radiyallahu anhu moy nit ki fi le fait que mu sop yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak manam sop go xamantene da fay dem bu fir ci wa deng bok na ci motax firang ak jam gi niki nonu talibe bi ni mi firé niki nonu arif bi ak firangé gi nit ki di mëna firé ci mindé fi ak firangé gi mi fir hein ci sirru secret bi moy bi nitu yalla di wax ñom ak biñu fir seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala ak lepp lu jëm ci borom subhanahu wa ta'ala munaw annat li wër bor moy al haqq bur yalla taala ajkaju hum mum al ma'bud moy ki ñi jaamu fi kulli ma'budin ci lepp lo xamne dañ koy jaamu min khalf hijabin ci ginnaw ak kiray ak surati hein min ghayr min khalf ci ginnaw hijab surati kiray ga mom melok la ghayratan wa lol yep ak firange la ilahiyatan guy ko jog bur yalla alla yakuna ci mu baña nek mabudan kenn kuñu jamu illa iyyahu kudul mom bur yalla wa ilayhi tajamna ci mom al isharatu junju bi qawlihi ci waxam bi mu wax mom taala ji kawji walillahi nenn bur yalla mom kesse yasjuru lay sujotal man mbollem ñi nga xamantene fi samawati nañ ci asmani wala tak suusi taw'an ci seenu ciobaraw karhan wala bok ñu forcer len muy ay bi nek ci sourate ar-ra'd ay 15 mu ne fof xam na nga deg lolu comprendre ko manam moy ci xam xam mo gogo aju ci walu firange ci la yalla defene kenn du jaamu kenen kudul mom fiir na fiirange gu tollu ne kenn du jaamu kenen ku dul mom hatta boy jaamu benen xërem lol te li gisoon nañ ko ci lu ko nuru manam boy jaamu xërem sax nit ki bu jaamu ab xërem xërem bobu melo bobu ki ray la mais le fait que nit ki diko jaamu c'est parce que daf ko considérer comme yalla buñu wara jaamu alors que comme yalla rek lañu wara jaamu kon ce qui veut dire que mom divinité bi la jaamu manam le statut de la divinité mom la jaamu même bu nekk xërem la jaamu wa en réalité parce que lu mel ni bobu xërem mi ngi fi te jaamu ko donc bu jaamo bi parce que dafa gis ab divinité à travers xërem bobu lool nak ki ray bobu même ginnaw ki ray bobu en réalité yalla la jaamu mais sauf que lool du ko jariñ comme niñ ko waxewon buñ fa tolé sauf que lool du ko jariñ té lool duko may ben lay ci kanam yalla mais en réalité mom yalla la doon jamm manam yalla firna firangé wo xamné mom limu dogal moy bagnna néna kèn du jamm kenen ko dul mom et même bu nek da nga jamm xërem en réalité divinité bi nga jamm yalla nga ko tek ah voilà yalla nga ko tek sauf que fiñ ko jamm mo dul nonu mais yalla nga ko tek lool motax borom xoo xam yi rahmatullah di wax né ku japp né yalla dafa nek ben dafa tok ben place nek ci kaw tok fa yow ab xërem ngay jaamu muy xërem bu nekul ci kaw suuf mais bu nek ci asaman parce que ñom manam dañ japp né yalla la di jaamu mais en réalité li ñi jaamu ab xërem la té pourtant bo xolé bu baax ñom yalla lañ djublu ci jaamu gi à travers xërem ñom biñu imaginé gis nga voilà donc motax yalla nak mune lol la yalla don junju ci waxam bim nan mbol ci ñeel walillah ñeel na yalla kesse yes judut mom lay sujootal te du deñ diko sujootal present continu le mudara moy yalla kesse lay sujootal te du deñ diko sujootal man fi sama wat mbolem ñu nek ci asaman wal ardaksus taw anti ciobare mo xam daf leen neex ñu top yalla sujootalal yalla wakarhan wala par force lañ ko sujootal de gré ou de force. Waaw. Moy en réalité bëggo ko def mais en réalité yang koy def. Seul sa loxo bi, sa cër yi, sa bop, sa tank, sa lepp mi ngi jaamu Yalla diko sujootal. Yow sax yang koy def. Manam la nga japp ne lola Yalla ba ngay jaamu. Wala bu dé da nga japp ne Yalla amul sa banexu bakkan bi ngay jaamu. En réalité da nga gis ne manam à travers mom yalla ci bopam ngay jamm yalla à travers kiray bobu hijab bobu yalla mo nek ci ginnaw hijab bobu non kiray gogou mom ngay jamm borom subhanahu wa ta'ala mune nak kon nak comprendre li wa koku nak xam xam la bu nitu yalla yam wa mina bok na ci ilmu xam xam mushahadatu jakkalo ak amal jufi wal aqwali wa aqwali ak waxi malaikatu wa shayatin ak shaytan wa siban ak manam siban moy ndegment wa hayat moy no ndegment nak moy li am carnivore moy carnivore voilà wa hayat moy jani wa aqariba ak jiti wa ghayra dhalik ak yenen ni lol hatta sawt mbete bat al kharij bay aji gen min dubul insan ci ginaw nit wa moy lepp lo xamne jëf la rek ak wax ngay jakarlo ak mom di jakarlo secret yi nek ci affaire yoy non ak tout ce qui tourne autour de lolu mo xam malaka la mo xam jinn la kin sheytanal mo xam ndek ment la jaan jitt lepp lu dul lolu ba ci baat bi genné sax ci ginnaw doomu adama nit mune même bat bobu sax li ci aju yep nit ki dakoy manam xam xam la bo xam tane nit ki day jakarlo ak mom manam arif bi dakoy xam secret yi aju ci lolu ak tout ce qui tourne autour amna xam xam bu aju ci yoy non mune wo wote lolu ket ilmun xam xam la sharifun bu tedd wa min a bok na ci ilmu ru'yat xam xamu gis lil arwah ñeel ruhi al aluyyati ya aji kawé yey ko djuk kawé moy ma ruhu malaakai ruhu yenenti alayhi salatu wassalam ruhu wa nit ki gëm yalla et cetera ak yoy non wa alamat ak mandar gay siddiqi deug man ki nga xamné yadda ay day wote ru'yataha ak gisum nan lañu xamé ni ki limi wax deug la comme ça gay wa gay wa ñom xam xam yi xam am nañ ci ay affaire ñom wa wa pa peut-être tout mais am nañ ci ay affaire ah wa ah dëkk ci so ko xamantene mom day tok di gis ruuxam di genn di dem tukki ci univers yi di dem di explorer univers yi di delu ci wat wax mom c'est sûr que dina xam lu bari ci affaire yi ni wa niki nono tamit leg leg nit ki muné fa innahu liwarbur moy rubama leg leg qamat dana taxaw lil abdi ñel jambi khayalatun ay khayalat moy ay imagination lo xamne nit ki day koy tok bu melni dafa am image buñ ko ko tégal ci kanam wala imagination bu mu tok dir ci wala fa yatakhayyalu mu imaginer annaw nek mom ra'a mu ngi gis malaikata awul jinna wala jinni wa innama li am ba dess moy raa limu gis rek am silatan manam dafa gis am silatan ay misal ay image hein fi khayalihi ci imagination mom qamat bo xamne taxaw na la ho ñeel ko li quwwati ngir katanu sultanil khayali dole ak manam autorité imagination ma alayhi ci kawam ba fo wo kon mom yasduqu def nako degguna fi ma raahu ci limu gis walakin waye nak yuxtiu dafa joom fil hukmi ci attegi est ce que comprendre nga lim wax leg leg nit ki dana gis parce que xam xam bi dafa aju ci xam xamu gis ruh yi kawé moy malaaka yek yoy non rawhan yi wala yerenti yalla sallallahu alayhi wasallam ak yu mel non maintenant mune leg leg nak nit leg leg mu taxaw ay imagination parce que ay khayalam moy imagination yimi jox wala gis nga tay nit ki bu leg leg day jek jek melni dafa am lu ko rombo wala mel da am kumu gis lu mu gis fen gisul dar lolou wala lolou day am khayal moy khayal nan la ko meuna tuddé ci tubab wala ci ki moy mirage waaw leg leg mu mel non mirage ci khayal la bok wa mirage mom ci khayal la bok sauf que mirage waxon nañ la dafa nek digeunte réalité ak imagination ak imagination ak dig ji la nek voilà té lolou romo nañ ko mune leg leg nit ki imagination mom mo koy jox mu gis malaka wala jinné fek limu gis du dara lul ay image yu nek ci yu taxaw ci bop bi ci imagination mom ci xelam la nek limu gis nekul ci biti donc kokou le fait que nak imagination mom monde parce que imagination dafa am monde tamit xam bu ci aji bu ci aji won comme niñ ko gissewon legui doole gog nga xamantene mom la aju mom la imagination bobu am doole ci kawam lool mom motax mu defene daf koy gis donc ce qui fait que ni mom limu gis deug la sauf que acte bi mu ko jox mo dul deug mom dafa japp ne malaka la gis fek limu gis du malaka limu gis du dara lu dul lu nek ci bop bi kesse nek ci bop bi même yenenti sallallahu alayhi wasallam mom la do wax kéro le la nga gis ko ci imagination wala ci sa beut xol nga defé né ci sa beut yi nga ko gisé fek sa beut xol rek ko gis wala wamina bok na ci ilmu xam xam hadratul jami hadrat bolé bayna abdi digënté borom bi war rabbi ak digënté jambi bok war rabbi ak borom bi wa manam buñu waxé al jamu ci nitu yalla yi radhiyallahu moy moy yalla kesse kesse nek fi saminde fi manam ñu japp ne yalla rek ka fi nek saminde fi buñu waxe at tafriqatu moy takale moy ñu moy contraire ñu gis ne yalla mi ngi fi minde fi tamit nek nañ fa le kon manam jamo moy boole bobu moy yittewo gi ñi yittewo ci di jakkallo ak yalla wulif leneen ludul yalla wa leen nak tamit ñu wax ko al jamo bobu fekk liñ ci djublu moy jakkarlo len manam moy lepp luñu jakkarlo rek dañuy gis ni loola dafa taxaw ci yalla manam yalla rek ka fi nek en realité di def di ba pare lepp lu taxaw ci yalla la taxawé wa leg leg tamit ñu nam ci jakkarlo gis wétaayu yalla ci bëri waayu mindeef yépp mais ñu gis yalla kessé nek kenn kessé mom lepp ak yeneen ak yeneen yu mel non mais ala kulli hal xam xam bi ben xam xam lo bu spécial moy ne minute ki di toge di considérer ne yalla rek yalla mo fi amal lepp te bala dara di fi nek yalla rek ka fi nekkon kon nga gis ne minde fi jam yi nekkuñu fi ludul parce que yalla mo len amal ba pare lepp ci ciobara yalla la amé ci katanam la amé ci nam namam la amé ci bëgg bëggum la amé lool bo ci démé manam nit ñi nit ki mëna ci yegg ba nga xamné fi mi yegg moy al fanaaw lu ñoo fanaaw moy lay dem ba jeex tak ci yalla du gisati dara loolul né yalla la yalla rek lay gis mom ndax lan manam yalla lay gis ci lepp né yalla rek ndekete mo fi def hatta jëf yi ñi jëf sax yalla ko bindu mais lolu du melo yalla mais jeuflu bu manam ay resultat la bu jugge ci jeuf bu yalla jeuf donc au final je pense que peut-être romon nañ ko moy jeuf bo gis rek ta l'impression que yow ya jeuf mais yow mi di jeuf dañ la conditionner voilà manam yalla ci bopam manam en fait dafa ay jeuf la go xamantene yow manam jëfu mindeefi ak mindeefi ci seen bok duñu yalla mais ay résultat wu jëfu yalla lañ té jëfu yalla yoy dañoy juggé ci melo mom parce que ki amul carton du mëna def masala ki xamul xam xam bi yalla xam du mëna jëf et cetera top lool ci melo yalla yi donc melo yalla yi mom mo résulté ci muy jëf mu am pouvoir jëfé nangam pouvoir bobu mu am nak ba muy jëf lolu parce que en réalité liñuy wax jëf al khalq ak al khalq manam dogal ak ya saxra mindeef ak mbind kenn manuko kudul yalla lo tax yalla ne même seen jëf yi sax bindo len ko yalla moko bind wallahu khalaqakum wama ta'maluna yalla mo len bind yeen ak seen jëf yi nit ki limi def ñun suñu wax ji ñuy wax en réalité yalla moko bind ci ñun motax mu génné ni manam manifestation la ci mu nekk lu résulté ci jëfu yalla mais jëfu yalla gogou tamit dafa wuté ak mélom yi mais ci mélom yi lu joggé donc ce qui fait que ni yalla manam nit ki nak bu topé lool ba paré maîtriser ko xam ko lool mana bobu sax ci xolam deug deug day dem bu yalla lay gis ci lepp lool mom moy affaire bobu non mais teki wul comme niko ñenn ñi waxé té lool inshallah mom lay léral mune wa min hadhihi hadrat ci bila hadra zaharat la feñi alqa'iluna adi wahya bil hululi ci dugënte won ittihad ak benno manam al hulul moy lan hulul moy nga japp ne yalla da dugg ci nangam dafa incarné wu ci nangam comprendre lol moy al hulul moy nit ki nan moy comme tiaxan kat yi ñi wax dem ba nan ki li yalla ngi ci bir li yalla ngi ci wala yoy non wala comme par exemple ku japp ne yalla dafa am place bu mu nek koku def na al hulul mu ngi ci bir lolou parce que moy wone ni kon yalla lola du ko mën contenir motax effectivement niki nonu kune yalla tam par exemple comme ni yenn ñi di wax awam yu bari bari dañ koy wax moy ne yalla mi ngi fepp xam nga lolu soko waxe fekk comprendre lo wax ci mënu baña graw mais so comprendre wax ji te japp ne yalla nga comprendre ne ko yalla mi ngi fepp manam moy mom ci bopam mi ngi ci lié yépp lol limi teki moy al hulul moy yalla dafa dugg ci bir minde fi manam dafa dugg ci sen bir te lolou problème la moy lolou problème la bo xamné jahmiye yi rek ñoko japp ci nitu bi daay di problème bu mag nak parce que voilà amma so jappé ni yalla katanam mi ngi agir fepp doole manam manam mi ngi fepp xam xamam aduna ci lepp et cetera nga manam ci non namam ci lepp namam dafa aju ci lola et cetera ak yu mel non manam moy nga degge nonu baat bobu lolou mi ngi manam amul dara luy am ludul ne ci melo yalla yi la taxawé ak ci jëfum ak ci dogalam lolou nga degge nonu wax joju lolou kuko wax fek lolou nga ci degge lolou manam je wax joju dana juk waye fi wax di dengge moy nga japp ne jëmmi yalla mo ne fepp de telle sorte que da nga nan yalla mi ngi place bi mi ngi place be mi ngi place fe de telle sorte voilà nga japp ne mi ngi voilà lolou jëmmi bo wax joju imagination bo de telle sorte que japp ko comme ben jëmmu ju ri go xamne parti bu nek da am manam mi ngi fenn manam parti bu nek da am fu mu ne ci aduna bi amna manam fu ne ci aduna bi amna parti ci yalla bu fa ne nga japp ko comme dem ngand comprendre nga luma ko voilà lolou mom mo garam voilà nga may djeglu mais te nga imaginer ci cadre bi déjà yi may wax mais nga imaginer par exemple subhanallah que yalla géant la voilà et que manam bu aduna bi nekké ben par exemple ben aduna deferon mo ko té par exemple loxo voilà on a la genre wax voilà genre yoy voilà lolou tamit voilà yoy tamit yu graw la wa subhanallah deng lool moy al khulul wal ittihad moy benno moy lan moy nga japp ne yalla ak mindi fi dañu mujjë dem ba nek ben manam dafa wa dañu dem ba nek ben ittihad moy lool de telle sorte que comme ci yenn chaahan kadi di wax nan man yalla la ke yalla la li yalla la mbam bi yalla la xat bi yalla la ki bi manam lool non amna so suñu waxtu yani ñu wax ñoo wala tiaxan kat yalla nañu yalla sam lool waxon waaje ko wa legi dama lay laaj su fekente ne lool yep yalla la est ce que mën nañ ni manam yow di nga nangu ñu la yow xat bi nga yow mbam bi nga yow nak bi nga wala sa bay xat bi sa bay la nak bi sa bay la et cetera di nga nangu yow mënu lo nangu lool ngay nangu ne yalla la Si raisonnement à la base mo baxou voilà raisonnement bi fou parce que voyons wax lolou du khalat en fait voilà yalla nana mo mundi goudé jami hein sante na lay obligation hein nañ ko jamu ñu mo len sak wax hein mais dafa bëgg ni wul ko ni ñom ay yalla wa yewé la subhanallah raisonnement baxou quoi voilà mo da mo ne wazalat motax tarfis na fi ha ci mo kaseeran lu bari mel kathir lu bari min al aqdam ci ay ndegu tank wa ni bare ci digeunte lima la wax sank ci ne ci jamo ci hadara bobu non ak dem bay commencer jappé ben ci ñaar yi liñ wax sank al hulul ak al ittihad japp len tank yu bare dañ ci tartis motax ñu bari le fait que hadara su jamay bobu munuñu ko imaginer sans ñu imaginer al hulul wala ñu imaginer al ittihad moy ñom tarxis nañ ci côté bobu té perte ñu bari voilà ko lool li ngay wax ni ci tahid la bok wa le fait que munuñu entre dafa am différence bu mak entre ngané gis na né aduna bi yépp dara amu fi ludul né ci yalla la joggé té lepp yalla moko administrer mais totalement tit lepp day woné maggaaju yalla de telle sorte que mbir yi nek giñ fi nek tay mune fon na len imaginer senu ñak waye yalla ken mënu imaginer ak ñak amam ba nopi de telle sorte que mbiri taxaw giñu fi taxaw ñi ngi fi taxawé ci yalla taxawal gimu len fi taxawal waye bis bu yalla dindé parce que yalla mo len amal ci tosan mais ba paré la tax ñuy continuer di am yalla mo continuer di jëf loola ci ñom ñu ngi melni lampe bi di tak wallahi al-mathal al-a'la mais tay lampe bi di tak déjà ñaari affaire la laaj première affaire bi mu ñëk laaj moy courant bi mëna passer ba ñëw pour mu tak mais le fait que muy continuer di tak aussi moy da ngay maintenir contact bi contact bobu il faut que nga continuer diko maintenir pour courant bi di continuer di ñëw mais bis bu flux courant bi arrêté won lampe bi arrêté tak c'est sûr nit ñi yalla mo leen amal ci ciossane ak minute yépp nak le fait que ñu évoluer le fait que ñu nekk fi rek dafa laaj affaire bobu di répéter wu tout temps ce qui veut dire que ni kon kullu yawmin huwa fi sha'n allahu akbar xam nga lu gëna kéma la ci affaire waaw moy jour bu rombu di wuté ak morom waaw kay yow lo def tay suba bo doon djéw fi bu suba tu ne ferais pas la même chose wa non temps bi rek allahu akbar le temps bi ngelaw li ni mi yalla non c'est-à-dire Allah est loin de tout ce qui lui associe lo voilà. Mo xalat wessu na lolou okay. Parce que Moustapha administration def té da koy xol ci sa bop rek mais xolal atna bi tollu contrat ñi ñi ñu wuté environnement bi ki temps bi lolou yépp borom bi waaw diko administrer waaw té chaque chose di wuté ak moromam voilà lolou nak moy du wañi ci puissance am dara okay bay loloy kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nek yalla mi ngi feñal al yeneeni mbir yu bes te duñu aw dañu infini manam moy amul fu mu yam non mo sofa lo jamu yalla xef ko yalla kenn mu ko fay ah non abadan ñu sant ko te ñun mënuñu ko sant gu yegg manam bi mu yello mom xana sante gam santone bopum ci ciossal wa ñu on est insignifiant voilà mais manam lolu dalay wax voilà xam nga dafa am différence entre lolu nga gis kon yow yalla ci lepp nga koy gis de telle sorte que jambi buy def di yek ni yalla mo manam mo koy def loli ngir xewaliko nangam ak nangam xam nga lolu amna difference entre lolu ak nga wax ne yalla dafa dugg ci bin binde fi manam mom ci bopam dafa dugg ci ñom incarner wu ci sen bir amna tamit difference ak nga ne yalla mo minde fi ben lan ke ni en realité minde fi existé wu yalla rek ka fa am alors que yalla dafa def différence entre mom ak jami mom ak yeneen nit motax ñuy soxla nan ko iyaka nabudu iyaka nasta'in yalla yow rek la nay jamu ce qui veut dire que ni moy man mi jamu ma ngi fi mais ki may jamu mi ngi fi te ñun ñaari ñu distinct lañ duñu ben okay lolu nak mune nak motax ñu bari seen tank nak dafa tarxis ci parti bi ni iz ndakhlas ashubahu lent yi fi ha ci domaine bi qawiyatun dafa am doole la yuqawimuha du taxawu mom dalil bo xamne mu rakabu ndey composé wu wa ak wala buñu war wa aksaru man lu upp nak ci nga xamne yadkhulu dañuy dug hadir hadrata ci bi hadra man moy ñi nga xamne yasluku ñi dugg ci hadara bi moy ñi nga xamne yasluku dañuy soobu ala ghayri yadi shaykhin ci benen loxo bu bokku tek loxo serigne kamel bu mat seuk ñu bare ñi tarxis ci tank bi ci domaine bi je pense que la mère de tous les savoirs wa tawhid la wa nit bo am tawhid bu deugur wa mo bëgg ek na fa ek wa mel tawhid bu deugur wa wa akhira bu deugur kecc bu ko amé lu mu bëgg fenen wa yom wa motax inshallah yakamtina vraiment ñu dugg ci inshallah inshallah yalla parce que gis na ni que vraiment lolu point d'ancrage bu am solo la wa c'est yalla ñaan xasi bu deugur wa lañ ni day yomb wa deugur bu fowé nak wa taxis yu bari affaire yu bari deviation yu bari bari bari fa lay jogué fa lay jogué té lolu moy tax nga sanku té dok sax yékk voilà voilà subhanallah yenn ci yalla musa amin amin amin amin mais comme musa fa inshallah tawhid inshallah faaw ñu jog ci inshallah yalla wax la yalla yalla yow wax amin ya rab ah mo tax ñu bari bari nak ñu dugg ci hadara bi ni ba paré di ci sen talxis di ci ñu am problème fi moy ñi nga xamantene hein moy dañuy sobu ci di jaara ci loxo serigne bo xamantene serigne ba matul wala bok amuñu serigne bu mat warubama mu ne leg leg sax lu bare bare sax mata nit ke dana bi ala hadhihi alhalat ci bila hal min ghayri khurujin te du ci genn du ci du am du am numu def ba genn ci mu ne nasalu ñi ngi ñaan allah bur yalla al afiyata muccu amin wa muccu xol muccu yaram lepp amin ya rabbi wa mina bok na ci xam xam yi ilmul maut xam xamuk de wala madha ak ana lan mom motax yarja'u ci lay delo ana ci wala madha ak ci lan lay yarja'u lay delo wa ma ak lan moy haqiqatuhu deug deugam mom de wa zabhuhu ak rendem ga lan moy haqiqa de waxon nagn lako ak rendi giñ koy rendi wa suratuhu ak melom mom de fi alamit tamsil ci aduna bobu nga xamne mom lañ doon wax alamut tamsil waxon nagn ko tamé kabshal am lah nga xamantene day nek am kuy mu wex lool yep waxon nagn ko comme ni mu nekk ci hadith bo xamanteni mi ngi ci musnad imam ahmad rahimahu allah yelennte bi sallallahu alayhi wasallam ne yu'ta bil maut yawm al qiyamati kabshan am la fa yuqalu ya ahl al jannati ta'rifuna hadha mune yawm al qiyamati dinañu indi de mu nekk ab kuy mu wex bu ko defé ñu ne ko ay yen ya wa al janna est ce xam ngeen ki fa yatla'una khaifina mushfiqina qala yaquluna na'am قال ثم ينادي اهل النار تعرفون هذا مانام بوكو دافي نيوم ني دا داكاي خول رغال نك رغال نдах بوغو ني دي مي ني ام خمم تي مو جوغي في واي دا نان كو واو خم نان كو كاي ني دادي و وا سوارا خم نين واجي كي فيقولون نعم ني نكو واو قال فيصبح ثم واو نينا ني رندي كو ثم يقال خلود في الجنه وخلود في النار ابري نيوخ اه ليغي نك صاح الجنه رك اك صاح سفارا في ديس موتاخ موما بوب نك وا سفارا داني تيتانغ غو جيغ غي دايو وا الجنه مبيك مبيك تي غو جيغ غي دايو باسكو خامن ني ليغي دي امروت الله اكبر مي بالا لول امين مي بالا لول دي ام موتاخ ني ديم الجنه ييب ني ديم سفار بالا ني راي دي ان فيت ني ديم سفار ييب داني دي داني ني ورا ديم الجنه té nekkon bir safara ñepp dañuy genn mo dañuy bayyi bu ñepp genn nga xamni ñepp mbugal nañ leen lañu wara mbugal safara yépp def nañ fa sen temps ba wara genn ñi nga xamantene manam du perpétuité lañ leen condamné waaw manam ñom dafa am ay point yu manké voilà fa lañu nak leen touti voilà dafa am ay ñu tuti dañ leen condamné mais du perpétuité waaw du perpétuité c'est des peines qui ne sont pas lourdes voilà des petites peines quoi voilà même buñ fa défé 100 ans 1000 ans 2000 ans voilà 1 million d'années mais France des mon perpétuité du maximum de 22 ans si France ah wa fi nak perpétuité bi nak mom abadan la voilà amin né ñu génné lé ñu génné nak moy ñom seen affaire baxna voilà ñom ils sont l'autre côté mom légui buñ leen yobé aljana légui nak bu boba nak ci lañuy waxé li tejj buntu safara yi nak dootu ñuko tijjeti wa wa aljana wa safara ngay safara motax buñu tejjé buntu bobu nak bu tejj ko ñu wané dé wa safara biñu titi tangé gu jikki do parce que xam nañ nak légui né ñom ils sont condamnés à jamais wa aljana comme ñi ngi ci xéewal à jamais hein c'est que jamais bobu mo doy war voilà jamais amul limite voilà amul limite yow sa xalat mënu ko def voilà voilà en réalité lu amul limite amul en fait infini li ñu wax infini existé wul ci xel ci réalité dans la réalité ni existé wul motax dans le passé infini infinité existé wul dans le passé dans le futur nak infinité mën na existé tout simplement c'est pas parce que infinité mo existé mais li existé moy à chaque fois que ben affaire xew benen événement mën nañu imaginer benen événement xew ci ginnaw bu bes bu bokut ak événement bi doga xew lool mom motax mu possible dans le futur te possible dans le passé wa infinité mom existé wul dans le passé niki nonu nombre en réalité nombre bu infini tamit existé wul parce que nombre bo xalat rek amna nombre buñ ci mëna tek motax infini bobu existé wul c'est neuf te ki relatif voilà en fait ci xel ci wax ni rek la existé mais ci réalité infini existé wul même ci mu xel sax infini existé wul ci mu xel dedet infini existé wul ci mu xel la parce que lo xalat amna lu ci mëna tek nombre bo mëna xalat bo ci mënu ko ci doli 1 voilà wa motax même les ki la ci affaire bobu lañu bëgg di japp di sukkandiko les matérialistes pour démontrer que ni univers bi da fi mëna mais en réalité sen démonstration bi mënta djup parce que li tax mënta djup moy infinité ci bopum mo existé wul ci réalité mo ba paré existé wul même ci mu xel infinité existé wul même ci mu xel ding légi nak mune wa makana ak lan moy li nga xamné mom moy nek zabhuhu ak rendem ala ta'yin ci luñu ragné waliman ak ñel kan tantaqilu ci lay dello hayatuhu ak dundum izazabih ak ci kan ñel kan tu wa manam ci la lay dello mom dundum de dunduk de suñ ko rendé té yent yalla yahya mokoy rendé wa sallam té yahya moy na dund yahya moy ko na dund ko dul jeex koko koy rendé rendé bi wa sa wa té wa manam bu séki yori ko buñ ko rendé mom dé sax en réalité dundum gogo day dem taxu ji dem ci minde fi ñoñu nak mëna dundu gudul jéxati wa mo tout fait tourner autour de la mort voilà le fait que mort manam té nek manam mouton bu wéx voilà ak yoy ak li ci aju voilà ak na lañ koy réé yow man xiyam ak voilà voilà le fait que té par exemple mom voilà tout fait tourner autour voilà lumu lepp lumu ëmb dal voilà d'ailleurs sax même fi ci aduna nit ñi dañuy di ki dundul lu bari bari nelaw ak yow yi rek non ak nit ñi ni ñun ni ni ñu dundé ni ñaari turu yalla al muhyi ak al mumit mom moy ki dundal ak ki ray dañuy awonté ci ñun plusieurs fois dans la journée ay millions de fois dundal dé wa té lolou dinañ ci gëna ñëw inshallah ci benen ci xam xam yu buñ ci yexé inshallah wa min a bokku na ci al xam xam al musabaqat jitoon rawante rawu lu fekk nit ñi di rawante course di ngir mëna nek di jitu wa sabiquna wa kay bay wa min bokku na ci xam xam bobu ilmu xam xamu li nga xamantene mom moy ay bi yalla di wax man wasari o na ngeen jëkënte ila mafirat mu jëm ci jéggal min rabbikum bu tukki ci borom daw leen jëkënte leen wa minute bok na ci al musabaqatu jitu ila al muqaddirati ila al muqaddirati ci li nga xamantene mom moy li yalla dox muqaddarat li yalla natale al qabihati ya ajbon fay shahadu bu ko defé mu jakarlo kitabatuha ak mindam alayhi ci mom fil lawhil mahfuz ci lawhil mahfuz anil mahyi walif li nga xamane effacer gi le fait que ñukoy effacer wa ya'lamu te mu xamne anna wal werbur moy labu dalawon labu damul ñak lawon ñeel ko min fi ala ci jëf ko fa yubadiru mu gawtu ilayha jëm ci mom li yafal ha ngir mu jëf ko wa yughaybu mu faddu shuhudaha ak jakarlo mbir mom an huwalif ko fa innaha ndax li werbur moy lolo suratun ak melolo fi ghaatu qurhi bo xamantene nek na ci dayak mbon ci dayak ñaaw fa idha waqa'at su roté garabat day dali faddu day dali tumrank faddu wo wote lol nak ilmun xam xam la bo xamne kabirun bu rere la wa ghawruhu al aju ca mom manam te mu nek khota ba'idun lu sore sore la wa mizanuhu ma ndaxe ma moy peser poids khafiyun lu woyef la daqiqun lu sew la wa ma fil mawazin wa la nek ci mandaxe kay manam poids ki balance akhfa mo gëna woyof min bu ke lolu tamit mune wa mim man tahqaqa bihi bok na ci ñinga xamantene wa kay ci ñinga xamantene ño incarner won lolu moy hamdul al qassar bob al qassar te bokon ci malamati yi mora dañ ko laaj mune lolu non mom mune moy ragal gi qadar yi ragal te qadar yi moy ñi bañ dogal gu yalla ak yaakar gi murji ay yaakar qadar ye moy ñi nga xamne ñom gëmuñu dogal gëmuñu ne yalla ay dogal mbir yi ñom pour ñom amin pour ñom nit ki ñom ñun ñep kenn ku ci nek mbir mi dal ci njambaaru nit ñi do nga la aju wala seenu ya fusé chacun est responsable de ses actes quoi voilà en gros wa xam nga être responsable téré téré wul ne yalla koy dogal mais ñom dañu japp ni mbir yi dal ajuul ci dara loolul ci njambar ak nit ki wala ci senu ya fusse kesse legi mu def murji ay ñom contraire bi la en fait murji ay ñom senu ya lepp ci ci yaakar la jox ñom au moment où nit ki gëm na yalla manam lu ko neex mën nako def ci lu bon parce que de toute façon mom bo xasse beugum yalla rek mom sawar am nañuy wal wax Sénégal day itno yalla mom du ko kenn sawar voilà mom da ngeen di wax pour voilà lool nak yoy nak fan la jogué waxogu c'est très répandu am nañuy koy wax ñu bari voilà voilà ok voilà da ba bi sa ko safara ko bëgg duggal kenn way voilà xam xam bi le ci xam xam bi la aju té bok na ci tamit ñu laaj ko mu neenañ tamit affaire bobu non xam xam bi bok li ci aju manam nit ki nim koy malamati yi niñ koy defé lan moy malamati yi deug deug mu ñu ne ñom ñoy ñi nga xam té dañuy takhribu zahir moy dañuy gental li nga xam né mom moy seen biti zahir bi day nek lo xamné nit ñi duñ ko mëna gis gu rafet c'est insignifiant wa dañ koy ñakal solo wa kay mais wa imaratul batin way dañuy dundal sen batin wa moy extérieur bi sa way voilà da koy xép way voilà intérieurement il est 1000 fois plus puissant voilà mais nak ma'al tizami shariat andak taqwa ak sharia ce qui veut dire que duñ def lu haram par contre duñ def lu haram de mais soy gis sen biti parfois mën nga yakane li ñi def baxul parce que sen insignifiance motax dañ ko yakare voilà ak tamit li ñi def essence bi du bon mais parfois circonstance ñu koy def moy bon wa mom ñu tuddon moy Hamdoun ibn Ahmad ibn Ammar al-Qassar an-Naysaburi wa da doon manam ci mutasawwi fay la bokkon ci bokkon sax ci malamati yi wa borom xam xam la bo xamantene faqih la bo xamne Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mo nekkon ci ngirum la bokkon wa mi ngeen adna de en 271 wa Naysabur lañ ko ki won wa imam al-Manawi neena mom ci njit ñu mag ñi la bokkon mais c'est que en fait mom comme ci malamati yi la bokkon malamati moy walu yoy nga xamantene leg leg dañuy faral di def yenn affaire di gattañu ci yenn mbir yi alors que ñu ponkal yi lañ bok alors que nitu yalla yu mag lañ mais tout temps dañuy melo no xamantene do meuna imaginer ni ki ci wali yu mag yi la bok alors que ci ñom la bok mais ni ñuy mel motax soit dañuy simple wala nga gis leen parfois ñu nek di def yo xamantene du haram ga mais nit ñi dañuy wala bok nit ñi buñ ko gisee dañuy defé dafa haram wala mbir mo xamantene du essence mo haram manam parce que xam nga mbir yi ñaar haram façon la dafa am ay façon amna yo xamantene ñoom ci seen bop ñoo haram parce que dafa haram am yo xamantene haramul en tant que tel mais ci ay circonstances yi ñu koy defé moy tax mu haram exemple comme par exemple footing dawiji outi dole waaw wala karate wala yenn affaire yoy waaw yoy duñu haram par sen djum c'est à dire que c'est pas parce que nit ki day dawiji rek que limi def da haram mais circonstances yiñ koy defé parfois bo sol ab court short han ba para def ko mu nek plaisir kesse di daw rek te han def ko plaisir partie de plaisir ak yu demé non ngir fokh mu nek sa fokh je yoy ci le quatre quatre bobu lay haramé parce que fo ci jëmi bobu da haram ak tiaxan boorant mbosor lu amul jariñ wa mais boudé nit ki amna yu objectif yu mak yu ci djublu yo xamantene lepp day delu wat ci yalla te mu sincere ci mom lolou du haram malama tv nak par exemple mom meuna def yoy nonou fekk limi def haramul mais nit ñi nak gis ko dañuy defene mom day tiaxan rek quoi alors que lu upp ci nit ñi buñ koy def souvent lu haram daf ci duggalé mais ñom suñ koy def lu haram du ci duggu comprendre xamna ba wala amna nak affaire yu bari yu mel non yo xamné ñom ci seen jëmm bop haramuñ les circonstances yi ak façon biñ koy défé motax mu haram parfois voilà ah comme par exemple ay nage xam nga baxna fi mais circonstances yi ñu koy défé surtout suñu jamono ji dafa haram natation mo bokay def mom wa natation wa kay boy natation mo bokay def mom natation de bana mais do ngam pisin sa keur waaw pit lepp voilà jare fouf mom alhamdoulillah voilà way bo fouté ko mom dem pisin waaw lu jax sok soxna yi jax sok ñeneen ci pire ndox mi do len di xol ñu lay xol fouf dafa haram waaw ñen ci am sa yamin deeng nga légui nak xolal tay par exemple ki nga xamne day dem di entraîner ndekete da fay préparer jihad di dem di beure nek ci combat ci écurie wala mu inscrire ci club football yi ngir meuna defar yaram am mais mom pour jihad la defu ko pour fof imagine nga lol ko essence mbir bi ak yenem wala ak lumuy xalaté wala mom ñu mu nekkal duñu yakane ko mom nu lay xalaté wala ndekete mom ci jaamu yalla la né du nango sol folotan nak buy football inna la amal bi ñet okay wala lolu motax lolu lu am wala lu am solo la moy xam xam bi aju ci ñeukante manam moy lan moy nit ki si le fait que bokku na ci xam xam bobu mo do lu compliqué la parce que da fay tax nit ki meuna reconnaître yi nga xamne mom lañuy natalé moy day xam li la yalla dogal mu gis ni li la yalla def même boudé lu bon la mu gis ko ci lawhul mahfuz mu daw jëm ci lool fekk melo bi mo bon ci biti né xamna ni mais mu won mo munul baña def li ni waaw waaye su ko defé rek su démé ba rot ci lolu mal malamati lolu lañuy def motax suñu démé ba def lolu melo bi ci biti mo bon mais en réalité essence bi ci bopam lo bax la motax ñom ñuy def yoyu nonu lolu nak suñ ko défé mune lolu nak affaire bu sew la même niñ koy peser natou way bek lepp dafa compliqué dafa touti te dafa délicat voilà munaw min a bok na ci ilmu xam xam al mushahadat yi nga xamne mom lañuy ñi gi ñi jakarlo ak lil haqq ñeel bur yalla ta'ala ji kaw ji la na ñeel ñu ala dawami ci sax yalla le fait que muy jakarlo ak ñun ci sax avec continuité sans interruption wa bimaza ak ci lan yashhaduna mom lay jakarlo wi ak ñun hal bi zati ndax ci jëmum lay jakarlo ak ñun aw wala bëgg bi sifatin ci melo taxumu bo xamne dana taxaw bi ci ci mom min sifati sabati ci juroom ñaari melo yi ban ci lool la manam yalla le fait que muy jakarlo ak ñun tout temps lepp lu ñu nekké muy xam ko gis ko jakarlo ak mom amul dara lu ko ci neub est ce que par son essence la koy défé parce que jëmum ci jëmum la koy défé wala bok dafa am melo bu mu amé un attribut bo xamné à travers attribut bobu bi bobu la koy defé moy biñu wax al basar manam moy la vue la koy xamé sa fa yéne dugg ci atanka ñom xam xam la bu wali maîtriser lool machallah da déla wa mina bok na ci ilmu zaman xam xam bi aju ci jamono wa hal nahkumuhu atem fil ittihad mo ngi nek ci weta ci benno al ilahi gi ko du bur yalla li zatihi ñe dem aani ma ngi ci namu az zamanu jamono di am wala bok huwa mom jamono bi tawliyatin dafa nek ci mengo yumkinu bo xamne japp na azluhu ak gadayam anha walif ko wala han wa min huna dayer ci fofu nak wara da ci la roté an na dahra nek kat ad dahra liñuy wax dir manam jamono dir ak le temps din nan le temps ci tuwab hein ismun ilahi tour le bo xamna ko du bur yalla la lol dina ci ñew legui ne inshallah ndax xam nga dafa am hadith bu koy wax moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu nek sahih imam muslim rahimahullah ak musnad imam ahmad rahmatullah alayhi bo mi ngi ci yenen tere en tout cas yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne yu'zini ibnu adama yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr bi yadi al-amru uqallibu al-layla wa an-nahar wa manam doomu adama day mi ngi may lor manam mi ngi may wax ju ñaw ndax day saga jamono ji sal temps le mauvais temps c'est vrai que bindi fi des fois mom yalla ndialo musul wa motax kero bu waji ñewé né la musafa taam nga né ko miru yalla la la ko génné ci sa ah oh musafa sétu dañ nga né ko ah miru yalla la ah oh du yalla mo ko do lu ma ci man sa bu sédé kay wax dëgg yalla wala mu tang waaw ah xolal señ bay ci mansour néna néna ben jour ma dem néna dafa fekk Alhadj Abdelaziz radiyallahu anhu tok néna ñuy waxtan ci jaksaw nak néna mu jéki Alhadj Abdelaziz radiyallahu anhu jéki nan ah tay de tang na dé mais da ko wax tout rek ñu gis ko mu néna mu gis ko muy joy néna ba mu jaxla joy yu metti néna mu bayiko bam paré bu mu jaxlé vraiment mu laaj ko né ko papa man da dama bëggoon xam joy yi lan moy sababu ñol foota dédé señ bay ci man so wa wa wa wa neena alaji abdulaziz radhiyallahu anhu nefa yalla mos bind jamono bi nimu mer man may dug jam kesse may jima sok di ci duggal sama lamin nan di am ben jugement bu may def ci temps bi ñu fi ay tollu way la musa law ñu ne tay biñ ko waxon biñu joy ah joy la ñu day japp ne lolu normal la way dañ ko wax te de nak dafa sedd ba wax dafa tag ah way yo tang way way tangor wi nako ah way da ngay war way yalla ñala sam amin ya rabbi mam abdou yalla yalla fay ko amin rabbi yalla c'est un exemple dans tout waaw deugul deug deug nit ku mat la nit ku mat sekk la rabbi yalla na rabbi xam nga mom la te hadith bobu la wax manam nit ki mi ngi saga jamono te yalla neena mom moy jamono motax ci xolo ci sayfi amna ci minna dahri la dahri ah moy diiru jamono yep rek da ko dalé ci waaw ba jamono tambalé gul ba fa jamono ay jexé parce que lepp parce que yalla ci bopam dafa tuddé bopam ad dahru jamono légui nak mu né bokk na ci kon xam xamu jamono jojo moy lan moy atté attém ci le fait que yalla tuddé bopam jamono non et puis tamit est ce que temps mom ci bopam temps dafa nek lo xamantene day bëru wala dafa nek rek lo xamantene manam dafa jaxosok yalla manam de telle sorte que yalla ci bopam mom ci bopam meuf nako duggal manam meuf nako yamal ak temps bi de telle sorte que dañ nan temps bi mom yalla da fe nek depuis moyen l'infini jusqu'à l'infini ci temps de telle sorte que temps bi yeb mok yalla ci bopam manam dañu jaxoso wala lenen mom en réalité temps ak yalla c'est différent voilà yalla mom mo bind temps bi lolou motax bimu tege ci ne man may jamono manam moy limi teki moy man ma fi def jamono motax mu ne motax mu firi ko ne o khallibul layla wan nahar ma jallar bi guddé yek ba teggi ta ta lor rek la xam nga temps en réalité est ce que xam nga ni temps existé wul ci réalité yang koy wax espace bi motax temps ok yang ko don expliquer bi parce que lo ma japp nako voilà mom japp nako voilà bu fi espace bi amul won temps bi du fi am bu espace amul won ak taxayurat yene taxayur moy le fait que mbiri di changer yalla ci bopam ni mu bindé mbiri moy mbiri dañuy changer tout le temps maintenant pour situer changement yoy motax temps exister mais temps ci mu xel rek la exister mais temps ré exister wul ci lu ñuy mëna laal kèn mënu lo wax né man ma téena temps bi laal nako té dan yoy dédé fekk ci sudu palpable voilà lolu mom motax bo delo ca gannaawa gannaawa gannaaw bo fi aduna bi di tambalé avant lolu temps amul won motax kèn do né motax manam motax yalla existence am amul buñ nan amul fumu tambalé moy bimu tab biñ bindé fi ci la temps bi commencé exister sinon temps amul won avant donc da ngay da di mëna xamné kon yalla nekkam gi mu fi né amul won temps bu ko régir avant temps bi ci ñun la existé temps ci ñun la existé effectivement mais temps existé wul ci voilà ba paré motax mënoni comprendre temps bi voilà mais nak comme matérialiste yi ñom en fait muy atay sur atay muy matérialiste yi ñom dañuy bëgg pour ñu ñom en fait dañ nan nañ xol fi aduna bi tambalé dafa am ben temps zéro boudé yeen ñi wax na temps dafa am manam ñom parce que le fait que ñom ñu saxal temps dañ ci bëgg saxalalé né temps ben entité le bu existé réellement ñom dañ ci bëgg saxalalé né aduna bi amul fu mu tambalé parce que ñom dañ nan la légui nañ déllu ba temps zéro légui avant temps zéro bobu avant bobu lan mo fi nekkon yow bu fekké né da nga japp né temps daf en fait temps mom entité le bu exister réellement bo xamantene mom ci jëmi bopam du exister hmm lool mom motax fofu problème day dal di poser wu hmm problème day poser wu ci question bobu hmm parce que mom moy temps bo meuna natalé am na temps bu ko jitu hmm alors que en réalité temps du lu exister mom indépendamment temps mingi commencé exister avant amul won mingi commencé exister té existé bimu existé ci xel la existé du nek ci lu réel ci xel la existé hmm temps mingi commencé exister ci mu xel hmm kagn bi nga xamantene espace ak changement yi ngi commencé am sinon avant lolu temps amul won effectivement d'ailleurs même nombre est ce xam nga ni nombre réel nombre qu'est-ce nombre chiffre nombre existé wuñu ci luñu mëna laal parce que yow mëno ni nombre yow est ce mëna nga ko laal nombre xam nga du no existé lu dul ci xel té temps du dara lu dul lu dépend ci nombre effectivement mais nombre ci bopom jëm bopom 1 2 3 4 5 6 en réalité existé wu parce que le fait que nombre xel soxla ko créer xel moy créer nombre xel li tax mu soxla créer nombre moy la moy pour mu mëna différencier entre yi nek ci kanamam tay mu bëggé ni motax xolal dunay di rafa dañ ko wax de ko contel mu né 1 ñu né ko ak lu ci téggu mu né 1 ak la mu né 1 encore ñu né ko mu né bénn rek kam la manam bénn yi ñi bolé motax xel mi créer motax nit ñi ci seenum xel ñu créer nombre yi chiffre ñu tax ñu soxla ko créer né nangam ci nangam amna mais sinon bu fekkonté né mën na différencier affaire yi kon dootu ñuko soxla même tour yi lolo tax ñu soxla ko defal bu fekkonté ni mbolém liñu mëna nek lepp dañ koy mëna jakarlo mom ni diko téyé lepp kon buñ soxla de créer tour effectivement kon dañ nan li rek li ak li ak li manam lepp dañ koy wax rek lo bëgg wax rek mais comme mëno def sa yo bëggé wax dara rek mu nek ci sa kanam nga mën ci tek sa baram lool motax ñu soxla lo nañu wutul ko tour gis nga yoy nak ay préalable la yo xamantene manam il faut manam parce que comme manam atay il faut que ngeen déparer ci raisonnement yoy bañu comprendre bu baax li ngay wax ngeen mu dogu meuna débattre su ko defé dag ngeen di ciaw bu baaxa baax yo sa war nga ci ah oui non c'est vrai atay fof ngeen di départ bañu comprendre né nombre du do exister mom ci bopam motax xam xam yi yu am solo la maîtrise motax arif né xam xam yi ñu am affaire yu am solo la radiyallahu anhu ndax day tax ku nekk rek nga mën ko wax né que li nga nekké du lolu voilà waye avant tout ñom parce que bu nekké ñom dañu matérialiste dañu gëm seeni affaire mais avant tout dañ ko tek ci ay base voilà maintenant bo bëggé nak ñom ñu changer bo maîtriser xam bi base yoy ngay damat voilà. Bo damaté base yi voilà. Di nga leen mëna wax nek effectivement ñom ils sont dans l'erreur voilà. Te bu nekk ñu jup lañ ils vont le reconnaître voilà bu fekkenté né ñom bëgg nañ gis deug tuti voilà di nañ xam nek ils sont dans l'erreur voilà et que ben diine rek mo fi nek et que ben yoon mo fi nek voilà et que xel yépp dafa am lo xamantene fokk dañ koy dakk moy dañuy dakk le fait que dara manam mbiri amul dara fu mu tambalé lolou dañ koy dakk ben bi ba pare xel fokk mu saxal né yalla mom ak amam amul fu mu tambalé té adiwul ci temps adiwul ci espace du ci dara té lolou tamit de toute façon xel mi mo lo obligé manam sa xel bop mo lay ñatt obligé la nga d'accord lolou tu es obligé nga d'accord ko parce que sinon sa xel du meuna raisonner ba para du meuna nangou dara fokk nga nangou ni affaire yi manam amna fu mu tambalé parce que temps ci bopom mo existé wul won té temps du lu existé dans la réalité temps du lu existé dans la réalité temps ci sunu considération yi existé effectivement voilà ba para nombre ci bopom li ngeen di wax nombre lolu ci bopom nit ki dafa soxla existéel ko ci bop bi parce que bu lu ci guen sino voilà lolu kessela effectivement mais du lu ñuy mëna laal téeku est ce que fi gis nga fi lenn lu ñu tuddé un manam ab nombre sax bala mo meuna am sens mu am luñ ko meuna pointé manam ci luñ ko xana bamu dess ci xam xamu mathématiques yeek yoy non nga xamné da ngay soxla manam calcul yi pour meuna préciser la mais tay buñu nan buñuy calculer c'est pour dem ci lo xamantene luñu meuna laal la mais nombre en tant que ré mom kessé nombre kessé du exister am nombre kessé non rek du lu exister il faut mu am ci lu muy laal buma 1 buma né 2 wala 5 il faut manam mom kessé amul sens voilà mo meuna am sens mo meun ko pointé ci ben affaire wa té yoy yoy yep pour dag li ñu wax tassalsul la tassalsul moy ngay meun di delu ginnaw sans mu am fin lo xamantene fokk da ngay delu ginnaw rek di delu wala ngay jëm kanam di jëm kanam mais par contre tassalsul ci futur wax comme li ma wax sans lolu meun na nek li tax mu meuna nek moy meun nañ imaginer événement bu ne yalla créer benen événement bu ci teggu mais par contre bu dé dañuy delu ginnaw il faut mu am fu mu yam dans le passé té lolou mom moy fi aduna bi tambalé té mom moy lan il faut kon mu am ko té lolou pour mu meuna nek té c'est sûr que tambalé gogou indi wu fi bopam kon moy amna kuko fi indi kuko am tambalé kuko amal effectivement té kokou la budda mu nek ko xamanténe mom qadim lay doon moy ko xamné ak existence am amul tambalé déjà c'est antérieur à li fi nek voilà mais amul fu mu tambalé amul tambalé parce que mom ci bopam manam parce que li tax muy en fait lolu li tax muy créer problème ci bop awam en fait ñuy duñu mëna imaginer amul fu mu tambalé en fait ak lolu ni muy soré ci ñom moy ñom dañoo considérer temps comme étant entité bo xamné day délu ginnaw ba ci amul fu mu tambal alors que temps mom en réalité du dara lu dul résultat ou changement yi mbiri effectivement té temps tamit amul fu mu commencer mom voilà temps dafa am fu mu tambalé qui ko sak mom voilà mom amul lu manam mom amul ben rapport ak temps xam xam bi lool lay wax manam ni yalla dafa amul ben rapport ak temps lool questionnement bo ngui poser wu réponse bi lool moy nga xamné yalla amul ben rapport ak temps différence bok nga def ko mu leer nañ waaw plus clair et net mu leer amul rapport ak temps waaw donc ñom amul waaw c'est ça ba paré li ngay wax ak dawru moy lo xamantene day aju ci mbir mo xamantene mom ci bopam day aju ci lola mën tane manam moy lan moy tay par exemple buñ né modou ñu né waaw ñu né mom mo jur ibra ñu né waaw ñu né ibra ñu né waaw mu né mo jur samba ñu né waaw ñu né samba ñu né waaw mu né mo jur modou manam modou bu dëkk bi lolu mën tane c'est-à-dire que wala bok nit manam mbir mo xamantene mom moy waral bopam lolou tam man tane affaire mom ça vient succinctement voilà il faut que mu am luy waral nangam parce que muno ni manam condition bo xamantene dañ na la tay par exemple comme xam nga lolou comme tay moy problème parfois pauvre français par exemple li c'est un problème lan motax du SSDF yi duñ ci génn abadan xam nga lutax c'est parce que dañ leen di laaj ñu joxe adresse logement keur fuñu dëkk pour mëna am liggéey alors que liggéey mëno ko am té amo keur manam c'est là que voilà c'est un cercle sans fin voilà li moy waral li mais yo lolou ngir nga xamné mo woro na waral lola lañ lay laj yow té même déba ñu ñu sax lolou administration bi dafa sauf tellement dañu laj kayit nga dem fé ñu na le kayit bi fo nga am nga dem fé ma joggé dañ ma né fo ma am kayit bi pour am kayit bi voilà fina nga xaw nak lay ñu fa la jëm wa lolou mo mo waral SDF mo du ci génn fa dal parce que liñ koy laj lepp moy ki du ko nango jël pour mu liggé fék amul kër bu mu dëkk ba paré ki ko wara loué kër gi mom da ran ko fokk nga am liggé lool moy andaw manam pour mu genn ci du meuna ne istih lool nak boko beugé duggal ci aduna bi motax fop ben solution mo am moy ni dafa am affaire ci kumu jugge koko mo waral yenen yi sino muno wul beuti mbir mi affaire bi di nek ci boukul bobu non koko du meuna ne ya nañu yalla sam amin ya rab wa kon xamna inshallah ñu yow bo inshallah wa xamna bu ko defé dina ñeñ ñeegi la wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin